bobo bobo marie un pompon. Et y'en a moussé capon au levé ou. Toi t'es quoi mimi je sou. Afrika moukili mou. Africa. Mama, hey. Africa. Comme Canada.